French fries. Assez promet Dave, j'peux pas l'amener au spa. C'est ça qui t'intéresse, sorry j'suis pas dans ça. Assez promet Dave, j'arrive dans pas long time. Me colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place. Viens voir la vie en vrai. J'connais pas ton ex mais je sais qui va m'en vouloir. Hey, babe, ici on connaît pas Gouma. On a des amis en commun, ils m'ont dit que t'étais dur, donc j'étais ma bon courage. T'inquiète, je vais tout payer, hein. Oui, je vais tout payer. Pour éviter que les pénaves obligés de tout payer. Assez promet, babe, je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, j'suis pas dans ça. Assez promet, babe, j'arrive dans pas long time. Ne vole pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Fais le tour de la ville en hélico de Janeiro Rio. C'est pour toi mon bébé, amore mio. Ils sont la boca boca comme un pélican. Mes flingueurs et toujours vêtus de Dio. Viens voir la vie en vrai, on parle de ces bandeurs au passé. Laissez passer. Ma pisse est gigantesque, le négro s'arrête pas de passer. Chouis. Ma chérie fait consommer baby sans regarder l'addition. Chouis. Can't see me, tu sais pas qui je suis. Assez promet babe, je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry j'suis pas dans ça. Assez promet babe, j'arrive dans pas long time. Ne colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place. Ah non, ça s'arrête pas.